préfère être craqué, mes Kaira pour mes têtes cramées. Je pesais en kilogrammes et baiser leur croix gammée. Gabi, LB, que des mecs zarbi. Tricard, de la face à la dégaine jusqu'aux habits. Tu manges des carottes comme Roger Rabbit, on nique Jaco. Envahit le globe comme les Rabbi Jacob. Ici une meuf, puis elle est rare. Celui qui salira, mon rap de scélérat finira sous les rails. Ici trop d'amis se mentent, des pétasses prennent pour Miss Monde. Au poste, j'ai ma propre cellule de décrisement. Ma vie serrée dans le tiec, soupirée dans le son. S'il n'y a pas d'autre option, je prépare ma rédemption. Je suis le mec qui calcule son jeu au poste, toujours jeunie. C'est pas mon caleçon à moi, tu verras jaunir. Puis chien, dans un ghetto chenille. Je me mettrai à genoux si t'as la potion pour voir ma mère rajeunir. Paul, Kaira. Risto t'a joué, Missy. Paul, Kaira. Risto t'a joué, Missy. Paul, Kaira, 2005, on fonce dans le tas. MIS, suce-moi sur un air de chef des casinos. Les poulets veulent me faire tomber, mais aucune occasion. Paye-moi en euros, dollars ou en tira. Sale facho, on sera là partout où t'ira. Comme dans Hit, ça tira, la foudre attira. Baisse pas ton froc si tu croises Gabi, tira. Fuck, leur loi qu'ils instaurent. Fuck, les flics en planque qui matent derrière un store. Ma voix, je veux que le monde l'entende. Je monte la pente, oseille me tente comme une meuf pendante. Les hypocrites arpentent les boulevards. Nique leur mère tant que j'ai pas la grosse tête comme Philippe Bouvard. Freestyle raca, je peux pas me calmer, tout m'est égal. Ici même pour 10 centimes, on cragale. C'est du peu rare, arcade. Va être comme un jeu d'arcade, on te masse l'arcade si t'as une Mastercard. All Kaira. Paul, Kaira. Yeah. Pour moi ça va bien tant que je suis en vie. J'avire quand y'a les gyrophares, car j'ai fait l'école des chouraveurs. J'calcule clébard, mais pour une épargne, faut te casser le dos dans un taf de clébard. All Kaira c'est pour les gaillards qui mènent une vie explosive comme Dayard. Des lagales grâce à l'Aya. Ici les gamins ne savent qu'arracher les sacs à main des mémés. Toujours au poste, les big raveurs tapent même le 1er mai. Je suis un sauvageon, trop peu souvent à jeun. De la France j'écarte les jambes et lupette son vagin. Je mène pas une vignette, la coupe sous la vignette. Mes amis me savonnettent, les autres ramassent la savonnette. Je maintiens ma rage comme un émeutier. Je veux que vous soumettiez à mon taf, le rap mec, y'a pas de sous-métier. Scarla en baggy, mais en costard, j'suis beau gars, bon cas volé. Espérant toujours toucher le bingo, retourner ta bingo. Je me mets le rap à dos, la rage qui m'habite, tiens dans un chapiteau, pas de pitié. Je me barre d'ici si je gagne rapido.